Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je vous retrouve aujourd'hui comme chaque mardi à 8h et 13h30 pour Minute Bonheur. Et aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau défi lancé par des femmes belges pour nous aider à lutter efficacement contre la négativité, ne pas se plaindre pendant un mois. Cette idée est née de deux Belges néerlandophones, Grete van Eek et Isabelle Gonissen, qui ont choisi de lancer le défi 30 jours sans se plaindre pour nous aider à voir la vie de façon plus optimiste. Et c'est une très bonne idée. Des scientifiques de l'université de Stanford aux États-Unis ont établi un lien entre l'humeur et la santé, prouvant que ne plus se plaindre permettrait de conserver une bonne santé. Ils ont ainsi démontré que les personnes qui se plaignent font beaucoup de mal à leur santé. Comme l'excès de tabac ou d'alcool, les jérémiades continuelles font mal. La science montre que la plupart des gens qui se plaignent le font en moyenne une fois par minute au cours d'une conversation, et cela fait mal au cerveau. Lorsqu'on se plaint, on abîme une partie du cerveau, cela réduit l'hippocampe, l'une des zones les plus vulnérables du cerveau, notamment à la maladie d'Alzheimer. De plus, lorsqu'on se plaint, le corps génère beaucoup de cortisone, l'hormone du stress. Le stress va abîmer les artères, augmenter la tension et le sucre dans le sang. Prendre l'habitude de se plaindre dans la journée va propager des décharges d'hormones négatives, détruire une partie stratégique du cerveau. Cesser de se plaindre permet d'optimiser son état de santé. Selon les deux jeunes femmes, les gens ne peuvent pas vivre une vie positive en ayant un état d'esprit négatif. Grâce au défi 30 jours sans se plaindre, elles souhaitent ainsi inspirer et pousser les gens à avoir une approche de la vie positive. Jo van der Zon, le ministre flamand du bien-être, soutient cette idée à 100%. Pour arrêter de vous plaindre, voici quelques conseils. Vous pourrez arrêter de vous plaindre en vous focalisant sur autre chose que ce qui vous amènerait des pensées négatives. La focalisation dirige nos émotions. Nous pourrions donc défocaliser quand nous ressentons une grosse part de stress, d'inquiétude. Nous pouvons faire bifurquer nos pensées sur quelque chose qui nous fait plaisir, sourire. Certaines techniques existent pour pouvoir changer notre mode de fonctionnement de pensée, comme la PNL, l'EFT. La loi de l'attraction nous explique elle aussi quelque chose de particulièrement bénéfique. Se concentrer sur ce que nous désirons et non sur ce qui nous manque. Voilà toute une nuance à découvrir. Nous vivons tous des expériences que nous qualifierions de négatives ou positives durant notre vie. Nous avons tous des soucis ou des problèmes à gérer. Mais nous avons tous traversé des moments plus délicats que d'autres, des moments de doute, des difficultés. Nous avons réussi à les dépasser. Alors, dans les moments où les choses et les événements vous semblent plus compliqués, vous pouvez vous souvenir qu'un jour, vous avez rencontré une expérience, un moment plus difficile, et que vous avez réussi à passer au-dessus en trouvant des solutions, que vous en êtes sorti plus grand, que vous avez été capable de surmonter et que cette fois-ci encore, vous allez trouver la solution. Que vous serez une nouvelle fois fier de vous. Quand vous avez pour une raison ou une autre envie de vous plaindre, demandez-vous s'il n'y aurait pas quelqu'un qui va moins bien que vous. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. En effet, la plupart d'entre nous avons la chance d'avoir une vie plutôt confortable, mais j'ajouterai que dans ces moments-là, nous pourrions nous focaliser sur la beauté qui nous entoure. Nous sommes parfois trop absorbés par la matière et par notre routine de vie. et ce que nous définissons de notre réalité, au point d'oublier les cadeaux que nous avons juste devant les yeux, la beauté de tout ce qu'il y a autour de nous. Un autre moyen de réduire ou de supprimer l'envie de se plaindre est de se dire que si vous voulez accomplir de grandes choses, vous plaindre ne pourra pas vous aider. Prenez la totale responsabilité de votre vie. Prenez en main votre vie et cultivez votre propre destinée. Car vous êtes l'auteur de votre vie, c'est vous le créateur. Et si cette idée vous échappe, alors lancez-vous des défis pour au final comprendre que tout ce que vous désirez faire est possible si vous mettez la machine en marche. Une autre clé pour arrêter de se plaindre est de passer par la gratitude. Chaque matin avant de vous lever, pensez à quelque chose dont vous êtes reconnaissant. J'ai des enfants formidables et en bonne santé. J'ai un travail qui me plaît. J'ai de grands projets ou encore, je vais bientôt m'accorder une pause, un moment où me ressourcer pour partir en vacances par exemple. Cela permet de commencer la journée sur de meilleurs auspices. Si, si, je vous assure. Une des solutions essentielles pour moins se plaindre dans la journée est de comprendre les sentiments qui peuvent nous traverser. Regardez-vous comme si vous étiez en dehors de votre corps et observez. Quelles émotions voyez-vous ? Identifier ces émotions est très important pour ne pas se laisser emporter dans leur flot sans comprendre. Une fois identifiées, il suffit de les laisser traverser, ce qui permet de se détacher d'elles. Si ces émotions reviennent de façon récurrente, alors il est utile de faire une introspection et de se poser quelques questions clés. Qu'est-ce qui m'amène à ressentir cela ? Est-ce une situation inconfortable ? Comment puis-je y remédier ? En exprimant ce que je ressens ? En prenant de la distance ? Vous serez alors dans la compréhension et vous ne subirez plus vos émotions. Et c'est en comprenant que l'on peut avancer. Ne pensez plus « je dois faire cela », pensez plutôt « je vais vers cela ». Ce petit changement de mot a une grande influence. Essayez, vous noterez un changement notable dans votre état d'esprit. Choisissez ce que vous faites, le goût est alors tellement plus agréable. Soyez conscient qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Il est donc temps de respirer et de lâcher prise. L'acceptation est un baume qui permet d'obtenir la paix intérieure et la santé mentale. Si nous nous rendons compte qu'il y a de nombreuses situations, personnes ou événements sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir ou contrôle, nous apprendrons à réduire nos attentes et à accepter les choses comme elles viennent. Cependant, il existe une théorie expliquée par Stephen Covey, entre autres auteur et conférencier américain, qui nous explique « 10% des événements qui nous arrivent sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise et que 90% des événements sont des conséquences de votre façon de réagir. Vous n'avez réellement aucun contrôle sur ce 10%. Vous ne pouvez pas arrêter une voiture qui grille un feu rouge. Un retard d'avion peut complètement chambouler vos projets. Un automobiliste peut vous heurter dans la circulation. Vous ne maîtrisez pas ce 10%. Mais vous êtes maître du 90% restant. Comment ? Par vos réactions. Vous ne pouvez pas commander annuler un feu rouge, mais vous pouvez choisir votre façon de réagir. Arrêter de se plaindre, c'est commencer par apprendre à dire non. Quand on se plaint, c'est aussi parce que l'on a accepté de faire des choses alors que l'on n'avait pas envie de les faire ou pour lesquelles on n'avait pas vraiment la compétence. On en revient à ce sacrifice de soi-même envers les autres. Quand vous vous plaignez, vous dépensez votre énergie inutilement, si ce n'est pour vous donner mal à la tête. Plus vous vous plaignez, plus vous avez envie de vous plaindre, cela engendrant de nouvelles pensées négatives, vous amenant à vous plaindre à nouveau, vous faisant dépenser encore de l'énergie, jusqu'à ce que vous soyez bien installé dans cet état d'esprit. C'est un engrenage infernal. Nous nous plaignons tous, à divers degrés, mais rappelez-vous toujours des bonnes choses que vous avez, malgré les problèmes. Rappelez-vous que vous êtes merveilleux, même quand vous ne le ressentez pas de cette façon. Prenez conscience simplement de ce qui va dans votre vie, les personnes qui vous aiment et vous apprécient, vous aidera à arrêter de vous plaindre. Mais peut-on tenir un mois sans se plaindre ? Il est vrai qu'un mois, ça peut paraître long. Est-ce que l'être humain peut ne pas se plaindre durant une période aussi longue ? Et si se plaindre était quelque chose de nécessaire ? L'idée de Grit et d'Isabelle n'a pas pour but de vous empêcher de vous montrer grossier de temps en temps, mais de vous faire voir la vie sous un nouvel angle, de sensibiliser les gens sur les risques et les dangers du stress, du burn-out, de la dépression. En réalité, elle souhaite simplement vous faire essayer une nouvelle philosophie de vie plus positive. Rappelez-vous que le changement commence toujours en soi-même, non à l'extérieur. Demander au monde de changer ne vous servira à rien. À vous d'aimer la vie telle qu'elle est. Voilà pour cette chronique à Minute Bonheur. Je vous laisse vous lancer à corps perdu dans ce nouveau défi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à tous.